passer à l'électrique avec l'entreprise Favero. Eco-FM, il est 15h. Automatisation de portail, borne de recharge pour véhicules électriques, éclairage de magasin, pompe à chaleur. Faites confiance à l'entreprise Favero, une entreprise agréée Qualipac. Entreprise Favero, 03 23 98 02 75. Entreprise Favero à Vervins. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Le magasin Carrefour Fourmi bientôt en location gérance. Une décision qui ne passe pas. 90% des salariés étaient en grève ce samedi. Salariés qui pourraient perdre entre 2000 et 3000 euros de pouvoir d'achat par an selon leur ancienneté et les différentes primes proposées. David Urblin, représentant CGT Carrefour, sera l'invité d'Eco FM demain matin dans 9h le mag et juste après sur eco-fm.fr.

politicians and leaders when they do things by half. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place yours. Tu me plaques.

I'm drowning in the Cause I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Respecter l'autre. Cause in all the worlds I've come upon, I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun. La chambre même est sans pitié, le paradis tombe à mes pieds. Pourtant, we know, we know, ta voix dit jamais. Don't you think twice? Been lost, but now I finally know. Et tous ces signes que tu envoies qui me chavirent à chaque fois. With déjà vu, we'll rearrange the stars. And even on the sudden sea, a constellation carries me alone. You know, mais là, raison dit jamais. Thank you. Heaven forbid it should fall out of place.

c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Ça, une itinérie, oui. J'ai précipité le capitaine par-dessus bord. Et je mets le cap très loin d'ici. Quand le bateau s'éloigne, j'entends ses cris encore. J'ai vu ton mouchoir blanc hissé derrière ton chagrin retranché. Je ne tirerai pas lâchement sur les blessés. Je ne suis pas encore mort, on ne s'est pas entretué. Alors je scelle ma monture, je repars à l'aventure. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. On s'est trimballé de droite et de gauche entre extase et chagrin. Je te dis au revoir de la main. Non, n'insistons plus, non, ça ne sert à rien. Cette sale histoire nous a fait les poches. Je te dis au revoir, c'était bien. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire devait être un conte de fées. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli, tu titubes, tout te fripait. Mais je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. En compte de fait, tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli, tu titubes, tout te fripait, mais je m'en vais. Leclerc, bonjour. Bouh. Pardon? Bouh. Bon, ok, je voulais vous faire peur en fait, mais je vois que ça n'a pas marché. J'ai quand même le droit à des bonbons. Mais oui, bien sûr. Du 17 au 28 octobre, c'est Halloween chez Leclerc. Pour l'achat de deux paquets multipack Haribo, Dragi, Bou, Haribou ou Pika, Bou, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Vous souhaitez rénover votre maison? Vous connaissez le dicton « l'union fait la force » ? Trois artisans associés à votre service. Pose de fenêtres, portes, volets avec le menuisier de Thiérache. Votre isolation comble et agrandissement par les enduits du Hauts-de-France. Les enduits intérieurs, bandes, calicots, ratissage et peinture avec Rénov Thiérache. Professionnel ou particulier, nous sommes à votre service pour un travail rapide et de qualité. Contactez le 07 86 66 13 83. Une seule adresse, 4 rue de l'Arzille à Étré-au-Pont. Déplacement à 100 km à la ronde. À tous les Écossais qui ont créé une jupe pour hommes, sans rien en dessous, sans que ça ne choque personne. À ceux qui ont inventé un instrument avec plein de tubes en se disant « Tiens, ça sonne bien, hein ?» Et aux mêmes qui, après ces drôles d'idées, ont bien fait de mettre des céréales dans une cuve pour faire du whisky. À tous les Écossais et aux autres, dès mardi, Intermarché offre jusqu'à 10% de remise immédiate sur une sélection de whisky. C'est ça, les 100 jours pouvoir d'achat.

à feu. Avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures. Réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien. Feu d'artifice, si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, un feu de joie, un feu de joie. Vois comme s'enflamme ce qui nous consommait. Soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Necesita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es sanarte, para intentar besarte. Será posible que con obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Hasim Bonanga, Hasim Bonanga, Mandela Tina, La Pekona, La Pekelikona. Hey, when I, hey, when I, hey, when I, so feel.

était son âme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Animal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Il est temps de passer à l'électrique avec l'entreprise Favero. EcoFM, il est 17h. Automatisation de portail, bornes de recharge pour véhicules électriques, éclairage de magasins, pompe à chaleur. Faites confiance à l'entreprise Favero, une entreprise agréée Qualipac. Entreprise Favero, 03 23 98 02 75. Entreprise Favero à Vervins. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une journée où on a envie de juste souffler, écouter de la musique, se faire plaisir, écouter des infos décalées, légères, écouter des choses qu'on n'a pas entendues depuis longtemps, se détendre tout simplement. 18h-19h, le son club sur Echo FM pour passer un bon moment et bien terminer la journée. Je vous retrouve évidemment ici même sur Echo FM. C'est Ronan, à ce soir.